Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelles tendances. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue, Holiday Mix version pure énergie. Cette semaine, nous avons rendez-vous sur le main floor avec du gros son. Aujourd'hui, je vous ai préparé un set de 60 minutes à base de tech house, d'électro et de progressive avec des sons produits par Steve Aoki, Marcel Woods, Alex Morph ou encore Infected Mushrooms. Attachez bien vos ceintures car ça risque de secouer. On démarre immédiatement avec un Italien qui était considéré comme l'un des maîtres de la techno au début des années 2000. Je veux parler de Mauro Picotto qui nous ressort une plaque aux accents tribal et tech house. Voici Yoga Bola. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. We'll be right back. We'll be right back. Le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. Cortez in the mix. pionnier de la trance allemande depuis un bon paquet d'années, Alex Morph, ici sous l'alias Indigo, et ce titre électrique. Juste avant, c'était Denzel Park avec Amarok, précédé par l'un des maestros de Liberican House, Wally Lopez, accompagné de Krisha Turner sur Keep Running the Melody. À venir dans l'idée mix, Dimitri Vegas, Like Mike, Evegi avec Momentum, mais tout de suite, voici un artiste particulièrement apprécié par Ferry Corson, Tiesto et Armin van Buuren. Il s'appelle Orian Nielsen et le single s'appelle Endymion. Tu écoutes Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. Monsieur Cortez. Dim the lights so you can see me. Close your mouth, don't speak, just feel me. Close. Daddy Daddy, c'est le titre de ce single de Steve Aoki en collaboration avec Winter Gordon. Ben tiens, en parlant de Steve Aoki, on le connaissait déjà comme DJ pâtissier. Il s'inspire quelque peu de l'entarteur Noël Godin pour gaspiller quelques bonnes pâtisseries volantes et les faire traverser le dancefloor au grand désespoir de tous ceux qui sont habillés en habits de marque. Et une autre de ses spécialités est bien évidemment le stage diving, traduction française, se jeter dans le public depuis la scène ou même depuis un balcon. Il en a même fait un show qui est en quelque sorte sa signature et marque de fabrique, et mal lui en a pris le 29 octobre 2012. Ce soir-là, il mixait au Circotique à Puerto Rico, et dans son show, il aime bien faire quelques sauts sur un trampoline. Mal lui en a pris car il a mal calculé sa chute et s'est littéralement cassé le nez sur le bord de son trampoline. Mais que ses fans se rassurent, actuellement il va bien. Holiday Mix, ça continue avec Sophie Ellis Bextor, Beautiful, une production de Mathieu Boutier. les meilleures nouveautés dance floor. 100% clubbing. Avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. Just want you to know. Holiday Mix. Holiday Mix. Écoute ça. C'est tout nouveau. Et rien que pour toi. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. Monsieur Cortez. font partie des artistes les plus respectés par les amateurs de trance goa et psychédélique, le duo israélien Infected Mushroom avec ce Nation of Wusses. Juste avant, il y avait Nicky Romero avec Seven et Tidy avec July. Holiday Mix, c'est presque terminé. On va se quitter avec ce Monotone de Michael Woods, un remix signé Jordelicious. Attention, c'est plus fort qu'un energy drink concentré. Bye bye à tous et à la semaine prochaine.